Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Dans quel pays vivons-nous ?». Je me permets ainsi de vous communiquer des infos sur des fêtes qui se sont déroulées, l'un d'eux lors de la manifestation à Demat de Remiremont, l'autre à Gironcourt. Deux événements qui font craindre pour les droits des personnes dans notre département. Cela ne doit-il pas nous interroger? Mais je vous laisse apprécier. Tout d'abord, la note du centre hospitalier de Remiremont, sous la plume du directeur, qui intervient directement par une note d'information auprès du personnel de Remiremont. Je vous laisse donc juger de cette note de service. La direction du centre hospitalier a appris par voie de presse la tenue du festival Solimat du 18 au 20 mai 2018. Je souhaite vous rappeler que si la liberté de parole et d'opinion est un droit accru sur les représentants du personnel, vous devez faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression de vos opinions personnelles. Alors, jusque-là, on n'a pas à trop s'insurger, mais donc ce responsable de poursuivre. La critique publique par un agent de la gestion ou du fonctionnement de son administration peut être sanctionnée. Comme indiqué dans notre de service numéro 4, gestion des demandes de communication du 6 janvier 2018, toute communication avec la presse est soumise à autorisation préalable du directeur. C'est-à-dire que quelqu'un du personnel ne peut pas, par exemple, s'exprimer, au vu de cette note, s'exprimer, par exemple, sur ses conditions de travail, sur l'incertitude de l'avenir. La représentation de l'établissement est réservée au directeur et au président de la commission médicale d'établissement qui peuvent la déléguer. Aussi, la participation à des tables rondes ou à des débats en tant que personnel de l'établissement n'est pas autorisée sans délégation. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de s'exprimer lors d'une table ronde, comme ce fut le cas, lors de la manifestation à Demat sur les 3 jours. Il y a eu de nombreuses tables rondes dont notre radio se fera l'écho au moment opportun. Par cette note, je souhaite simplement vous rappeler la règle et ne pas vous mettre en difficulté par manque d'informations sur vos devoirs. Voilà. Voilà déjà, on s'aperçoit quand même que de plus en plus, on oppose la confidentialité, y compris des délibérations publiques, qui devraient être publiques, aux élus, aux représentants des syndicats, aux représentants des usagers dans des établissements publics. On peut quand même s'interroger par rapport à ces restrictions de plus en plus importantes sur les libertés d'expression. Et puis, sur les droits de l'homme maintenant, sur le droit des migrants, on peut quand même se référer à ce qui s'est passé, comme je le disais au début, à Gironcourt. Jeudi 10 juin 2018, un jour férié, comme chacun sait. En fin d'après-midi, la gendarmerie est venue intercepter une famille albanaise de Gironcourt-sur-Vraine, en train de fêter avec des amis l'anniversaire de Jola et Medji, jumelles de 10 ans. Avec politesse, on leur explique qu'ils vont être conduits à Metz pour l'étude de leur demande d'asile, qu'il faut prendre le minimum d'affaires, quelques vêtements, un pyjama, des couches pour le bébé, 4 mois, juste pour une nuit, puisqu'ils seront de retour le lendemain. De là, tout va se passer très vite. Enfermés dans un centre de rétention, y compris le bébé, bien sûr, le soir, évacués tôt le matin vers l'aéroport régional, avant même d'être enregistrés par le service juridique, menacés d'être menottés devant les enfants pétrifiés, embarqués dans un petit avion affrété pour eux, seuls en compagnie de 10 policiers. Et laissés à Tirana, sans argent, sans bagages, sans vêtements, dans un pays où ils ont fui un an plus tôt les graves dangers. Ils vivent cachés dans dans un hameau éloigné de tous, traumatisé, sans soins pour la petite Mélisa, qui est malade, sans école pour les aînés. Et Asile 88 de dire « Nous restons en lien par eux, par téléphone ». Et Asile 88 de s'interroger « Comment de telles choses sont-elles possibles dans un état de droit où tout a été prémédité, orchestré, de façon à court-circuiter la justice ?» Passage devant le juge des libertés et de la détention, et bafouer notamment les droits des enfants. Je signale en passant que la France est quand même signataire de la Charte internationale du droit des enfants. Pourquoi eux ? Pourquoi un tel déploiement de force contre une famille bien intégrée, déboutée sans doute comme beaucoup d'autres ? L'Albanie étant classée dans des pays sûrs, même si aujourd'hui, c'est plutôt la mafia qui règne et qui rançonne des personnes dans leur bien. Elle les menace à leur intégrité physique. Mais toujours en procédure auprès de la cour d'appel de Nancy. Donc ces personnes-là étaient en procédure auprès de la cour d'appel de Nancy pour faire reconnaître le droit d'asile. Mais malheureusement, la loi ne prévoit pas, même en cas de recours, la possibilité de suspendre les mesures d'expulsion. Il faut le savoir. Il faut le savoir qu'on a une législation très dure et qui va encore durcir de plus en plus vis-à-vis des migrants par rapport au droit d'asile. N'y a-t-il pas d'autres urgences, interroge Asile 88, d'autres urgences en France que ce énième projet de loi du gouvernement qui s'en prend aux plus fragiles, ni d'autre obsession que la chasse aux migrants, aux demandeurs d'asile. Profondément choqué par cet enchaînement d'arrestations, restantions, expulsions, en violation des droits fondamentaux de la personne humaine et de la Convention internationale des droits de l'enfant, exprimons à Monsieur le Préfet des Vosges notre indignation à travers la pétition ci-jointe et mettons tous en œuvre pour le retour de cette famille en danger. Donc cette dernière partie du texte, bien sûr, invite Asile 88, par cette dernière partie du texte, invite la population à signer massivement une pétition que vous pourrez découvrir également sur Internet. Contact@asilaaccueil88.fr. Voilà, de toute façon, vous pouvez vous procurer aisément cette pétition. Alors, quand je disais dans quel pays vivons-nous, parce que je crois que là, on exacerbe au maximum les tensions dans le département des Vosges, par cette expulsion, lors d'une fête, lors d'un anniversaire de gosse, en plus. Bien sûr, tout le monde à Asile 88 et autour sont indignés par l'attitude, bien sûr, du préfet des Vosges en particulier. Alors, quand ils interrogent la préfecture, on a pourquoi nous que de telles de choses existent en Albanie ? Oui, mais en France, comment cela peut exister ? Voilà, la famille devait quitter la France, le préfet a appliqué la loi, voilà ce qu'on a répondu. Pourquoi cette famille ? Réponse, pourquoi pas ? Le juge des libertés intervient sur saisine des personnes en rétention pour contrôler les raisons et les conditions de rétention. N'y avait-il aucune raison qu'il intervienne, puisqu'à 8h du matin, il n'y avait plus de rétention ? Voilà, donc on a dit, le juge des libertés, etc., il ne peut plus intervenir, puisqu'il n'y avait plus de rétention, ils étaient déjà expulsés. On arrive quand même à une situation qui peut interroger toute la population, quand même, sur les droits fondamentaux de la personne humaine en France, et en particulier, bien sûr, pour cette affaire dans les Vosges. L'avènement d'une société où l'extrême droite imposerait son idéologie n'est-elle pas à craindre ? La majorité actuelle ne reprend-elle pas à son compte la façon de faire et les théories les plus extrêmes par rapport à la liberté d'expression et les migrants réfugiés en France ? Que ressortira-t-il du débat sur le projet de loi sur le secret des affaires ? Celle-ci visant à faire taire, y compris, on peut le craindre, les lanceurs d'alerte et les journalistes d'investigation. La liberté d'expression est en danger. Je crois que ce n'est pas trop peu de le dire. Nos valeurs démocratiques sont bafouées, un peu plus tous les jours. Quand réagirons-nous? Je crois qu'il faut se poser ces questions aussi, avec bien sûr le recul nécessaire, mais avec aussi la détermination nécessaire, parce que est-ce qu'on peut continuer à avoir nos valeurs démocratiques, nos valeurs qui soient si bafouées au jour le jour. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.